Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On a hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a commencé notre couverture en vue du Bol d'or qui sera présenté samedi soir à Thetford Mines entre les Gaillards de Jonquière et la formation de Saint-Hyacinthe. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec l'instructeur-chef de Saint-Hyacinthe, Sébastien Deschamps. Et dans un premier temps, Sébastien Deschamps mentionne que les forces de l'équipe. On est une équipe assez balancée. On est une équipe qui est capable de gagner des matchs autant en faisant beaucoup de points qu'on est capable de gagner un match avec très peu de points. Sébastien Deschamps parle évidemment du match de samedi soir. C'est un bon match. C'est sûr que ça va être un bon match. Les Gaillards ont une bonne équipe. Définitivement, ça va être une partie haute en émotion. Les deux équipes veulent gagner ça. Mais on s'attend à un bon match. OK. Sébastien, donc le match sera présenté samedi soir à Thetford Mines à 20h. Maintenant, du côté Benjamin, les Aigles de Roberval étaient en action à Gatineau dans le cadre du showcase du tournoi Benjamin. Et ça a été une défaite du côté des Aigles par la marque de 7-0 contre la formation d'Alma. Et la Ligue du Lac au Fleuve a fait connaître ses honneurs individuels de la dernière semaine dans la Ligue. D'abord, il faut noter que la première étoile a été sélectionnée. C'est Hugo Lapointe qui a marqué 2 buts et a amassé 4 passes. La deuxième étoile est Philippe Gosselin qui a marqué 2 buts. Et la troisième étoile est Samuel Renault qui a marqué 4 buts et a amassé 1 passe. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec l'instructeur-chef de Saint-Hyacinthe, Sébastien Deschamps. Et on a également parlé avec Pascal Masson du côté des Alouettes. On fait le bilan de la défaite des Alouettes contre les Eskimos d'Edmonton. Le sport local et régional à danradiosport.com.